Radio Arc-en-Ciel vous propose un concert exceptionnel avec l'artiste Georges Fred et tous ses musiciens, le samedi 13 avril à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc. Qui ne connaît pas les chansons emblématiques de cet artiste qui a su séduire plusieurs générations de Portugais? Alors, écoutez et appréciez ces quelques extraits. Essa tua cor maldita, ao ver-te minha alma grita, és tu quem vai matar. A portuguesa é a mais linda, é engraçada quando fala, quando diz, é uma franqueza tão enfeitinha, é fruto cheio de perfume, o meu país. Gosto muito deste nosso tiro-lirinho, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lirinho, gosto dele, cadeado, brincadeira, contrabaco, fico lá com a madeira. Rendez-vous le 13 avril prochain à l'espace Montition à Saint-Jean-Blanc pour découvrir Georges Freyde et ses musiciens. La soirée sera animée par José Balthazar. La billetterie est déjà ouverte. 15 euros en pré-vente, 20 euros sur place. Pour profiter de cette pré-vente, rendez-vous au point de vente suivant. Un Sado Typico à Fleury-les-Aubrais. Le site de Radio Arc-en-Ciel, www.radio-arc-en-ciel.com. Le restaurant Tamarich à Fleury-les-Aubrais. Les établissements Mariano à Semois et à Blois. Ou Grillo à Saint-Privé-Saint-Mémin. Quintinho de Nossa Terre à Orléans-la-Source. Les Paniers du Monde à Fleury-les-Aubrais. Et directement au studio de Radio Arc-en-Ciel, 266 Faubourg Bannier à Orléans. Rendez-vous le 13 avril prochain, espace Montition à Saint-Jean-Blanc, pour un moment unique et rare. Ne manquez pas ce concert live avec Georges Freyde et tous ses musiciens. Ouverture des portes à 20h avec un service snacking de spécialité portugaise. Compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve après 3 semaines d'absence. Et oui, Lola et moi, nous n'avons pas pu être présents à cause des examens qu'on a cette année. Bac, c'est parce que c'est le bac, hein, bien sûr. Mais on est là. Bah, je suis là parce que Lola n'a pas pu être là pendant ces 2 mercredis qui vont arriver. Elle ne sera malheureusement pas là. Mais on la retrouvera dès la rentrée, le mercredi. Je ne sais plus combien, mais le mercredi dans 2 semaines. Donc aujourd'hui nous sommes, je suis à votre compagnie et nous sommes dans une émission spéciale, un peu carnaval. Car oui, de base c'était ce qui était prévu la semaine où on n'a pas pu être là, mais du coup on la rattrape. Donc cette semaine c'est spécial carnaval, Brésil, Latino, tout portugais, etc. Mais tout pour se mettre dans l'ambiance. Et oui, aujourd'hui, dans cette ambiance, car il y a un peu de soleil, un peu d'éclaircie. Donc on va continuer, commencer plutôt, je vais dire, cette émission spéciale carnaval. Demais. Mas a saudade é mais controlar. Et pour commencer cette émission, on va commencer avec la musique Samba do Brésil, une musique dans le thème du carnaval. Levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o mundo conquistar, tô no samba do Brasil. Galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o mundo conquistar, todo samba do Brasil. É tropical. Et on commence cette émission avec une très bonne ambiance. On va continuer avec Vamos Zumbar de Zezito. Et vu que c'est le carnaval, etc., appelez-moi donc au numéro que tout le monde connaît maintenant, 02 38 43 48 00, pour vous, vos musiques qui vous donnent envie de faire la fête dans cette période de carnaval qui est passée il n'y a pas 30 ans, et le carnaval de Rio qui est passé il y a quelques temps. Eu sei que gostas de te divertir. Com esta zumba tu vais delirar. Vai ser toda a noite a beber e a curtir. Faz o vestido mais sexy que tem. Eu não gerir e eu te ofereci. Eu estou sozinho, por isso amor vem. Estou à tua espera, preciso de ti. Vamos zumbar juntos, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, vamos zumbar, tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, vamos zumbar, tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, vamos zumbar, tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar. Eu sei que gosta e eu também gosto. Com esta zumba tu vais delirar. Vai ser toda a noite a olhar o teu rosto. Faz o vestido mais sexy que tens e a lingerie que eu te ofereci. Eu estou sozinho, por isso amor vem, que estou à tua espera, preciso de ti. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Vamos zumbar, meu amor, vem comigo. Vamos zumbar, zumbar tu e eu. Sei que vais ao céu quando zumbar contigo. Et la prochaine musique est de la part de Manuela. Elle va nous écouter la musique de Tony Carrera qui était poussé à l'ambiance du Brésil un peu. Donc elle nous fait cette dédicace pour tous les animateurs et pour elle-même. Elle me souhaite une très bonne émission. Je la remercie et on lui fait de très très gros bisous. Et on écoute Tony Carrera. Passo a vida sem vir-te aqui. Pois em tudo

Et on va continuer avec la dernière musique du top 3 de Yvette Sangalo. Une musique à la rechantée au carnaval au Salvador pendant le 9 février jusqu'au 12 février où elle se baladait dans un marathon du carnaval. Donc elle se balade dans les villes, dans son char. O Mundo Vai de Yvette Sangalo qui est sorti en 2022. Chama o povo de casa, as amigas mais loucas, chama a rapaziada, todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com alma lavada, ia. Põe lá no grupo que o couro tá comendo. Que quando ela passa, todo mundo vai atrás, todo mundo, mundo vai. Voilà, c'était notre top 3 de cette semaine de Yvette Sangalo. Donc si j'ai pu vous la faire découvrir, mais je pense que tout le monde la connaissait grâce à la radio. Du coup, à 17h30, notre deuxième chronique qui est bien sûr l'horoscope. L'horoscope où je vous demanderai, où je vous dirai plutôt, l'horoscope de la semaine ou de la journée. Ça dépendra, on va voir tout ça. Et on écoute Mentirosa de Rafaga. Ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer. Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más. Hoy que me daña mi corazón, no creo más en tu falso amor. Lloras solo para ti. Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías ni te veías y te burlabas de mi gran amor. Mentías pues yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Tú decías que mentía y tú mentías también. Cuántas noches solo esperándote. ¿Y tú dónde estabas cuando yo le lloraba a la almohada? ¿Dónde tú que fue lo que hicimos? Si ayer lo quisimos, Et on continue toujours dans l'ambiance du carnaval. Et on continue avec une dédicace de Zoé pour ses proches, sa famille, pour sa mère, pour son beau-père, pour son père, pour ses frères et sœurs. Elle les aime très fort. Et on va écouter Carnaval de Maluma. A gozar, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. Paquito era mamacita, si así no se ve tan bonita. Déjeme probar esa boquita y yo me aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame. Que las penas se van bailando. Con cualquiera, na na na na na, pasarte en la borrachera, na na na na na, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na na na na na, darme las de vagabundo, na na na na na, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes nada. Ya no te hagas la idea. Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Salir con cualquiera, na na na na, pasarte la borrachera, na na na na, tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na na na na, darme las de vagabundo, na na na na na, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no pa' esta día. Ey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana. Y esperando el fin de semana, na, pa' ver si te veo, pero na, na, na. Ven y amanecemos una vez más, como aquella noche en puedes semana. Salir con cualquiera, na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. ¿Cómo estás, amor? Te veo mejor, así bronceadita de ese color. No bailes así que me da calor. Tú pegas más duro que el reggaetón. Se te nota el gimnasio cuando lo haces despacio. Sé que no soy tu novio, pero te quiero, obvio. Ay, ay, ay, ay, muchacha. Aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. El amor duele y cuando está doliendo. Puedes salir con cualquier. Na, na, na, na. Pasarte la borrachera, na, na, na, na, na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar. Olvídate de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na, na, na, na, na. Darme las de vagabundo, na, na, na, na, na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Et la prochaine musique est une dédicace. Bon, pas très carnaval, mais qui fait son effet pour danser. On écoute Oh My Oh My Oh de la part de ma grand-mère Mamie Didi, qui fait un bisou à toute sa famille, à toutes à ses proches, à toute la famille Muccino, et elle nous fait des très gros bisous. Et on l'embrasse également. Foi cacheirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas feias. Foi cacheirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas feias. Oh, malhão, malhão, quem te deu as botas? Oh, malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi cacheirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas tortas. Foi cacheirinho, outro rin-tin-tin, tinha as pernas tortas. Et n'hésitez pas à nous appeler au 02 38 43 48 00 pour nous faire découvrir les musiques que vous voulez faire écouter pour cette ambiance un peu carnaval. Et on écoute Hola Perida de Lucara. Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana. Y ya me están matando las ganas de llamarte a ver si aún me amas. Dígale a ese tal orgullo que te debo algo que no es suyo, porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. E olhar pro teto. Vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. Remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça nós dois tocando galo na filha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida. Eu começando o tonto e você na vete. A sua camisa diz a minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado. Só existe na minha nós dois tocando galo na filha boiadeira. Nossa vida no mato só existe na minha cabeça. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira.

tu amor me tiene enfermo. Te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, no oficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo ya no vemos solos. Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme. Tu cuerpo a mí me adora, quiero por siempre tenerte, tenerte. Oh. Tu cuerpo a mí me adora, quiero por siempre tenerte. Et nous allons continuer en musique, dans l'ambiance encore du carnaval barque, oula, parce que c'est notre thème de cette émission. Et nous allons continuer avec une musique de Henrique Diego et de Gustavo Lima, Festival. Gustavo Lima et Henrique Diego. Bate na palma da mão. É boa, é hoje e nós vamos pipocar. Tem o Gustavo Lima e o bicho vai pegar. Eu já liguei pras gatas, as mansinhas sem noção. Camarote lotado, só tocando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina piripaga pau. Desço topo de uísque, elas me beira geral. Fumou, ficando louco, todos desorientados. Essa mulher não vai saber que você está aqui do lado. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança La Rocha sem parar. Que quando vai embora leva duas pra pra pra pra. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança La Rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. É boa hoje e o bicho vai pegar. Tem Rick e Diego e o pau vai quebrar. Eu já liguei pras gatas, as magias sem noção. Camarote lotado, só tocando os pancadão. Eu desço champanhe, as mina que me paga pau. Desço o povo de juiz, terra de beira geral. O povo ficando louco, todos desorientados. Essa mulher não pode saber que você está aqui do lado. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança La Rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Que do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança La Rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Do meu lado você veja sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança com a rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. Et pour la prochaine musique, nous avons une dédicace de Ricardo pour tous les animateurs de Radio Arc-en-Ciel et pour moi et Lola. Il nous encourage et on le remercie. Et on va écouter une musique de Havana Deliro, Carnavalera. We'll be right back. next to jungle, get the foot rhythm and the rap cubano, oh yeah. Atacando la rumba house aplastante, huh. Caliente baby, que te coge la corriente los 20, la ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila conmigo Dara, por aquí, por allá. Baila conmigo Dara, por aquí, por allá. Baila conmigo Dara, por aquí, por allá. Baila conmigo Dara. Meu coração não bate, só quando te vê que ela é feliz. Meu coração não Et nous sommes à 17h18, la chronique spéciale horoscope débutera très bientôt. Du coup, le thème, ce sera sur l'humeur des signes astrologiques de cette d'aujourd'hui. On va continuer en musique avec Guantanamera David Bowie. Yo estoy loco y mami tú estás rica. No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale. Dale mamita, no pare, dale, si sigue, sigue. Lo tuyo fiesta y pari, muñeca, dale, vive. Mami, please, deja ese orgullo. Que yo sé que nada de eso es tuyo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale. No juego baloncesto, pero ando con tres como D-Way. Si entiendes el concepto, then baby, baby, you can play, yeah. Mami, please, deja ese orgullo. Que yo sé que nada de eso es tuyo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Et la prochaine musique est une dédicace de Jeff qui fait un gros bisou à ses trois enfants. Il leur dit qu'il les aime très très très fort. Et à sa femme qui lui fait des gros bisous. On lui fait aussi des bisous et on écoute pour cela Ricky Martin et Maluma. Enamorado. no dejarte sola. Esta historia no se acaba. Ven, vamos pa' mi cama. Esta noche tú te enamoras. Dime de una vez que al lado tuyo yo estaré. Todo lo que pidas te daré. Esta noche tú te enamoras. Me fazer sofrer, eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso. Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. E seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. A vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Levar pra casa esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Facilita, coloca o capacete que lá vem pedrada. Piseiro tom, é piseiro com reggaeton. Eu não vou me envolver. Tem cara de quem vai me fazer sofrer. Eu não vou me envolver. Você é só rolê. Mas pensa num rolê que beija bem, faz gostoso. Não que me apeguei, mas já tô querendo de novo. Só mais uma vez. Ai, papai, me apaixonei. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse seu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder, apertar, levar pra casa. Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada. Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa. Vontade de morder. Pegar. Posso não tá mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou flor que se cheira, mas essa vida é teimosa. Me cheia, ainda me beija com essa boca gostosa. Aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, ou vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca, quer acelerar. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Quando eu te conheci, pensei, vou dar o golpinho que levei. Tentei roubar o coração de uma ladra, dona da lei. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, me joguei. Eu não queria. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. emocional. Fico, não fico, vou, não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, covardia invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, covardia invocada. Chegou pousando na minha revoada, freou minha boca que era acelerada. Ela é et c'est l'heure de notre chronique horoscope. Alors comme je l'ai pu le dire, le thème de l'horoscope c'est l'humeur des signes astrologie du 28 février 2024. Vu que je n'ai plus ma camarade aujourd'hui pour lire vos horoscopes, je vais le lire à sa place. Et on va commencer par les Capricornes. L'ambiance est détendue, la journée est idéale pour vous approcher des êtres qui vous sont chers et vous exprimer sans vouloir tout contrôler ou vouloir absolument avoir raison. Donc, il y a un bon horoscope pour eux, on va dire, il faut pas trop qu'ils s'embrouillent. On va continuer avec les Scorpions. Les Scorpions, votre sens de l'écoute et votre disponibilité vont vous faire vivre aujourd'hui de belles satisfactions relationnelles. Ensuite, nous allons passer au... C'était les Sagittaires. Nous allons repasser du coup aux Scorpions. Les Scorpions, trop de froideur, pourront en revanche nuire à la qualité de vos interactions avec l'entourage. Pour les Béliers, le ciel bienveillant vous permet d'établir un dialogue enfin constructif avec vos proches. Nous allons passer aux Vierges. Aux Vierges, si les échanges avec l'autre vous semblent quelque peu dénués de chaleur ce jour, ils auront cependant le mérite de vous confronter à la nécessité de parler vrai et à une réalité qui ne peut plus être contournée. Nous allons passer à mon signe, les Lions. Aujourd'hui, votre diplomatie vous permettra de démêler un problème familial qui vous touche de très près. Communiquer sera votre force et vous permettra de restaurer le dialogue et l'harmonie relationnelle. Pour les Cancers, vous manquez de dynamisme. Pour vous lancer dans des travaux de longue haleine, achevez ce que vous pouvez. Ok. Nous allons passer aux Gémeaux. Cette journée s'annonce d'une tranquillité et d'un équilibre idéal. Profitez de ce calme pour vous occuper de vous. Nous allons passer aux Taureaux. Votre morale et votre état physique sont bons. Vous avez de nouveau la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes disputé. C'est peut-être le moment de réconciliation pour eux. Nous allons passer maintenant aux Balances. Aux Balances, stop au rapport terne, aux échanges mystiques, mi-raison, au déjà-vu. Un vent de renouveau souffle sur votre quotidien et vient dynamiser et harmoniser votre relation. Le moment est idéal pour changer la donne, vous rapprocher des personnes qui comptent pour vous, faire la paix avec votre moitié et tisser de nouveaux liens. Nous allons passer aux deux derniers qui sont les Poissons. Aujourd'hui, c'est avec calme et douceur que vous arrondissez les angles, que vous comprenez et acceptez ce qui se passe autour de vous. Donc, ils peuvent déterminer ce qui se passe et analyser leur entourage. Et les derniers, qui sont les Verseaux. Les Verseaux, avec vos amis, vous jouez avec un grand soin et grand plaisir le rôle d'intermédiaire. Votre performance est réussie. Bon, bah, un très bon horoscope de l'humeur pour aujourd'hui. Alors, j'ai pu du coup vous annoncer votre horoscope pas aussi bien que Lola, qui le fait très très bien. Je l'admets, je la félicite car c'est très dur. J'ai un peu trouvé ça un peu très difficile, mais je vais tout lui laisser quand on reviendra. Donc, fini pour les deux chroniques de la journée. Pour les prochaines chroniques, nous vous ferons des sondages sur nos réseaux sociaux. Donc, je vous invite à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Donc, avec-vous-radio. où on vous dit, où on vous met les photos qui se passaient aux événements qui sont passés il y a très, pas très longtemps, donc comme le bal de Zéama et les événements qui vont arriver comme le bal de Georges Ferrer et bien sûr tout ce qui concerne notre émission. Donc je vous invite fortement à venir nous suivre. On continue en musique avec Vamos a la Playa, toujours dans le thème de la bonne humeur et du carnaval. Madrugada dançar, colar, que hoje

cantando comigo mais ou menos assim. Lilé Alex. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Yeah. Só vocês, vai. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Olha como a luz é assim, ó. Bará, bará, bará. Irê, bê, bê, bê. Et la prochaine musique que nous allons écouter, c'est une musique du célèbre dessin animé Rio. Donc comment ne pas l'écouter, dont le thème est le carnaval. Alors on écoute Rio. Et la prochaine musique est une dédicace de Alexen, une musique douce et calme qui n'est pas dans le thème mais qui tient au cœur. C'est une musique qui pour rendre hommage à sa grand-mère qui est partie il y a pas très longtemps et elle lui fait cette musique pour l'embrasser de là où elle est et faire des bisous à toute sa famille et on lui fait des gros bisous aussi. E essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber. Verso teu, onde tu estás, estou eu. Mãe, contigo o tempo para, nosso amor é coisa rara, e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu no meu. Mãe, canta com vaidade, porque já tenho idade para saber que em verdade, em cada verso teu, onde tu estás, estou eu. Andar no mundo, parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade em cada gesto teu. Está teu coração. Et on fait de très très gros bisous à Alexane, à sa famille et à sa grand-mère qui est partie il y a 2 mois exactement. On lui fait des bisous et à tout le monde. La prochaine musique est une dédicace de ma marraine, Aurélie, pour moi. Elle me dit qu'elle est très fière de moi, qu'elle m'aime très fort, et je la remercie et je lui fais de très très gros bisous. Et moi aussi j'étais ma marraine. Et on écoute une musique de Tania. Et la dernière musique, l'avant-dernière musique plutôt, est une dédicace pour Blanda qui a fêté son anniversaire hier. Donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Et on lui fait de gros bisous à elle et à toute sa famille. Et on écoute pour cela Samba do Brasil, donc dans le carnaval. Levanta mão crua, eu deixo terraça, mãozinha na cintura, quero ver você. Quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando o mundo conquistar, o samba do Brasil. É tropical, o samba do Brasil, sensacional, o samba do Brasil, é mundial, o samba do Brasil, fenomenal, o samba do no movimento, galera, vamos pirar, vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar, todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando, dançando e rebolando sem parar, e quando o sol raiar, a alegria vai chegar, todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar, quando o mundo conquistar, todo samba do Brasil. É tropical. C'est le moment de se quitter. Alors, je vous remercie à tous d'avoir pu participer et nous écouter dans cette émission du mercredi 28. On se retrouve mercredi prochain, du coup mercredi 6. Donc, comme je l'ai dit au tout début, Lola ne sera malheureusement pas là, mais elle sera là à la rentrée. Pour le mercredi. Le mercredi 13 à la rentrée. Donc pour cela, on se dit à moi et Lola le 13, mais on se retrouve très bien mercredi prochain, le 6. J'espère que vous avez pu vous ambiancer, vous amuser avec nous. En parlant de ça, n'hésitez pas de réserver vos billets pour le bal de Georges Ferreira, le 13 avril. Vous appelez l'administration, du coup, le 02 38 43 50 09, ou envoyez par mail. Les horaires sont de 9h à midi et de 14h à 16h. Donc n'hésitez pas à appeler pour réserver vos billets et vos tables. On se dit au revoir et à très bientôt. Et bisous, bisous. Voyage vous propose un séjour à Lourdes en mai pour le week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 17 mai depuis Gien à 19h ou à 20h30 au Théâtre d'Orléans. Arrivé à Lourdes le samedi vers 8h du matin. Pour le retour, il se fera le lundi 20 mai après le petit déjeuner. Vous arriverez au Théâtre d'Orléans vers 18h, puis à Gien vers 19h. Le prix est de 270€ par personne, tout inclus, sauf café et boissons. Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64 ou le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Alors n'hésitez pas, laissez-vous guider par Codias Voyage.